Pour un bon repas en famille ou seul, c'est au restaurant Midas qu'il faut aller. Menu adapté à tous les budgets, servi par un personnel courtois et affable. Le propriétaire, M. Danny Potvin, souhaite un franc succès aux organisateurs du triathlon de Saint-Félicien et un bon congé de la fête du travail à tous ses clients. Restaurant Midas, 1084 route 169, 418-679-0900. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veillon. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de Charles Tremblay de Saint-Félicien. Charles Tremblay qui a été retranché par les Saguenay de Chicoutimi. Il va poursuivre sa carrière avec les élites de Jonquière. Charles Tremblay a mentionné qu'il a été déçu d'avoir été retranché, mais pour le bien de sa carrière, il estime que c'est bien de commencer avec les élites l'an prochain. Ça fait, c'est spécial hein, de voir autant de gens se déplacer pour un match de hockey junior à Dolbeau. C'est plaisant parce que dans le haut du lac, il y a eu l'année passée à Robertval, cette année à Dolbeau. C'est le fun de voir que les Saguenayens, ils prennent ça, eux, comme leur équipe, ils apprennent comme une équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean et non de Chicoutimi. Fait que j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé que l'ambiance était incroyable. Écoute, au nombre de personnes qui se sont déplacées, c'est sûr, c'est vraiment plaisant de voir l'engouement de cette... Dans un deuxième temps, Charles Tremblay mentionne évidemment qu'il a été blessé au camp d'entraînement et ça a freiné sa progression. Ma tête enflée, comme d'habitude, comme n'importe quel joueur de hockey. J'ai voulu jouer quand même, mais au fil des matchs, ça s'empirait. Puis là, c'est pour ça que le soir du match à Dolbeau, après avoir parlé avec la physiothérapeute des Saguenay, on a décidé que c'était mieux pour moi de ne pas jouer. Pour la simple raison que ça ne servait à rien de jouer quand j'étais, mais exemple, à 75%. De mon maximum, tu sais, fait que pour ça, c'est sûr que ça a joué d'un côté sur mes performances, mais je pense encore là que si je me sers pas de ça comme une défaite. Et dans un dernier temps, Charles Tremblay mentionne qu'il a été vraiment impressionné de l'enthousiasme que les gens de Dolbeau-Mississippi ont donné à leur équipe. C'est spécial hein, de voir autant de gens se déplacer pour un match de hockey junior à Dolbeau. C'est plaisant parce que dans le haut du lac, il y a eu l'année passée à Robertval, cette année à Dolbeau. C'est le fun de voir que les Saguenayens, ils prennent ça, eux, comme leur équipe, ils apprennent comme une équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean et non de Chicoutimi. Fait que j'ai trouvé ça le fun, j'ai trouvé que l'ambiance était incroyable. Écoute, au nombre de personnes qui se sont déplacées, c'est sûr, c'est vraiment plaisant de voir l'engouement de cette activité-là. Parlons des Saguenay de Chicoutimi, les Saguenay qui ont confirmé et qui ont repêché hier un joueur de 19 ans. Du nom de Xavier Pouliot, qui est un défenseur robuste. Pouliot, qui mesure 6 pieds 3 et pèse 212 livres, a joué 8 matchs avec les Cataractes de Shawinigan. Parlons maintenant des Marquis de Jonquière. Ils ont confirmé le retour de deux vétérans hier, soit l'ancien Essénien Gabriel Paquin-Boudreau, qui a joué 5 matchs l'an dernier avec les Sags. Il a marqué 4 buts et amassé une passe. Tant qu'à Danick Malouin, il a compté 4 buts et amassé 9 passes en 40 rencontres. Parlons maintenant du côté du triathlon de Saint-Félicien. Première activité cette année, hier, dans la section de revue de danradiosport.com, on a parlé avec Jean-Michel Tremblay, qui est le responsable de l'événement. Et Jean-Michel mentionne dans un premier temps que ce sera un triathlon qui sera accessible. Chanteur, fait qu'on a une belle ville pour ça, puis ça va être un triathlon, on va dire, accessible. Finalement, ça se passe en plein cœur de la ville, sur le boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien, aussi dans la maison de la culture, ça va être notre site principal. Il va y avoir de la nage en eau libre, bien sûr, dans la rivière à Chapmouchouane. Ensuite de ça, on a travaillé fort, on fait barrer tout le centre-ville jusqu'à la base de nos tournements, finalement. Avec un beau circuit de 7 km de vélo. Fait que ça va être vraiment urbain. Il n'y a pas beaucoup de courses pour les gens qui veulent s'initier. Ben oui. Ça va être hyper rapide, intéressant. Puis la nage en eau libre, c'est accessible aussi parce que il n'y a pas de vagues, l'eau n'est pas froide extrêmement non plus. Fait que c'est super accessible pour ceux qui veulent commencer. Puis là, cette année, par exemple, on a eu un été qui était un peu difficile sur le côté chaleur. Fait qu'il va y avoir une location de wetsuit aussi sur place pour ceux qui... Les athlètes vont provenir d'un peu partout. Ces athlètes-là, ça vient de partout. Moi, je veux que ce soit des gens de la ville, de la région, parce que on a plein de gens qui sont en forme dans le haut du lac, finalement, puis ça s'entraîne un peu par-ci par-là. Fait qu'on veut un événement rassembleur. Ensuite de ça, ben il y a des, comme vous savez, un triathlon à la baie, à Jonquière. Fait même dans la région, il y a plusieurs triathlètes. Je suis content de Saint-Félicien. Il y a plusieurs personnes qui vont s'initier aussi, c'est ça le but. Puis finalement, ben, il y a plein de personnes, j'ai parlé avec les hôtels, etc., plein de personnes de Québec, de l'extérieur de la région, qui viennent aussi. Puis c'est un peu pour ça aussi qu'on a décidé de mettre ça la fin de semaine, la fête du travail. Hein. C'est stratégique, on veut que les gens viennent, profitent des infrastructures, des attraits touristiques le Zoo. Et en terminant ce soir, au complexe sportif du secteur de Dolbeau se déroulera la période d'inscription pour le club de patinage artistique Les Perles Bleues. Ça va se dérouler entre 18h et 20h. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Jean-Michel Tremblay du triathlon de Saint-Félicien et le directeur général de Baseball Québec, Max Lamarche, vient nous parler de la belle victoire du Québec lors des différents tournois qui ont lieu sur les tournois canadiens. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.